of the major, town of the major. Les femmes te courent après, les femmes de culture. La ville est ton remède. Tu prends les femmes comme elles viennent. Mais tu t'en au fond. Oui, tu es dans le fond. Tu vas dans le métro. T'as ton manteau sur le dos. Et tes sandales de biker. Un Bermuda de biker. Tu es un vainqueur. Dans notre biker. Dans notre biker. Les femmes te courent après, les femmes de ton cœur. Dans notre baker, je veux être comme toi et ravir les cœurs. Ton tatouage malabar et ton sac banane de loubar te donne ce look de mineur, ce charme de baker. Wouh! Tendre à ce biker, les femmes se courent après, c'est sûrement une erreur. Tendre à ce biker, je veux être comme toi et ravir les cœurs. Mais moi je ne serai jamais sûrement un outlaw biker. Trop gentil. Trop sympa, trop copain. Je ne serai jamais qu'un mec normal. Tendre à ce biker, les femmes te courent après, les femmes de ton cœur. Tu portes une cicatrice au-dessus du sourcil. Tu vis dangereusement dans l'enfer des quartiers des bikers, oh yeah! Tu as une mobylette, c'est quasiment une moto. La légende raconte que t'en as toi-même changé le pot d'échappement, wouhou! Tendre à ce biker, les femmes te courent après, les femmes veulent ton cœur.